Livre 7, les sauveurs se sauveront. Pour affirmer le progrès, dans le prologue Nox, c'était, vous l'avez entendu au début, par la honte et non par la mort que Victor Hugo s'était proposé de châtier Napoléon III. De même que Josué, au retour d'Égypte, dut faire 7 fois le tour de Jéricho en Palestine avant de faire triompher les Hébreux, de même, le poète-prophète devait lancer 7 livres d'imprécations pour imprimer la honte au front de l'empereur et pour que le peuple et l'humanité, balayant Napoléon III, puissent se passer de Nox à Lux, des ténèbres à la lumière. Pour mieux mesurer avec quelle habileté Victor Hugo transpose et transcende le texte biblique, permettez-moi de vous citer ce texte en entier.